Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, John A. Macdonald, premier ministre du Canada. Macdonald, vous savez, c'est un des plus grands hommes de notre histoire, puis c'est un des plus grands schnappants de notre histoire. C'était un grand homme politique. Il a vu ce que serait le Canada. Il a réussi à réaliser par son habileté la Confédération à laquelle il ne croyait pas quelques années auparavant. Habile politicien, fin stratège, John A. Macdonald sera au cœur des négociations qui vont mener à la Confédération canadienne de 1867. L'un des plus grands hommes de notre histoire et l'un des plus grands schnappants de notre histoire, lance l'historien Jean-Charles Bonenfant dans l'extrait qu'on vient d'entendre. S'il est vrai que John A. Macdonald peut assurément être considéré comme l'un des pères du Canada, il est aussi vrai de dire que son héritage comporte certaines zones d'ombre importantes sur la question amérindienne, entre autres. C'est sur l'hymne national du Canada que s'est ouverte la cérémonie en l'honneur du 200e anniversaire de naissance de Sir John A. Macdonald, qui devint en 1867 le premier premier ministre du Canada. Au nombre des invités, Stephen Harper, qui a souligné le rôle primordial de Macdonald dans la création du pays. Sans Sir John A. Macdonald, le Canada tel que nous le connaissons, le meilleur pays au monde, n'existerait tout simplement pas. Vous imaginez? À l'est, les provinces de l'Atlantique, puis le bas et le haut Canada, à travers les prairies, jusqu'aux Rocheuses et au-delà. Malgré ses exploits, Sir John A. Macdonald est aussi un personnage politique controversé. Même nos plus formidables citoyens sont des êtres humains. Au nombre de ses faiblesses, l'alcool. Sous pression, il consommait beaucoup d'alcool, explique cet historien. Celui qui fut le premier ministre du Canada pendant près de 19 ans est aussi critiqué par certains pour ses politiques envers Louis Riel et les Premières Nations. Treaty people in the prairies were subjugated, incarcerated on their reserves. En tant que ministre des Affaires indiennes, dit-il, John A. Macdonald est responsable d'avoir soumis, maltraité et affamé des groupes autochtones dans les prairies. Quoi qu'il en soit, l'héritage de John A. Macdonald est encore bien présent à Kingston, mais aussi à travers le Canada. Que ce soit sur des monuments, les billets de 10 $ ou même sous forme de figurines. Reportage de Charlotte Landry en janvier 2015 à l'occasion du 200e anniversaire de naissance de John A. Macdonald. L'historien André Champagne est avec nous. André, on l'entendait à la fin de ce reportage. La place qu'occupe John A. Macdonald dans l'imaginaire canadien, sur nos billets de 10 $ entre autres, mais beaucoup plus que ça, continue d'être très importante. Oui, d'autant plus que pour les historiens, c'est un des plus grands premiers ministres que le Canada a connu après Mackenzie King et puis autour de Wilfrid Laurier. Oui, il figure sur les billets de 10 $, mais pour les Canadiens anglais, c'est surtout, c'est un nation builder, c'est un bâtisseur de nation. La politique qu'il va mettre en œuvre quand il revient au pouvoir en 1867, la politique nationale, la national policy, va permettre justement l'industrialisation du Canada, va permettre de compléter le chemin de fer transcanadien qui va relier Toronto à Vancouver. Mais pourquoi? Parce que cette politique-là, qui repose sur des tarifs douaniers très élevés, on parle de l'ordre de 30 à 50 permettront de développer l'industrie canadienne. Ouais. Et c'était impératif à ce moment-là de relier Toronto à Vancouver par un chemin de fer. Pourquoi? Ouais. Parce que les Russes avaient vendu l'Alaska aux Américains en 1867 et les Américains, c'était évident qu'ils caressaient le projet de rattacher l'Alaska à leur territoire. Donc, pour prendre les Américains de vitesse, il était impératif de relier le plus rapidement possible Toronto à Vancouver pour peupler justement ce territoire-là afin d'empêcher de l'annexion américaine. Et ce sera important, évidemment, dans l'héritage de Macdonald, puis il y aura des ratées importantes dans cette construction du chemin de fer par rapport au traitement qui sera réservé à la fois aux Amérindiens, mais aux Chinois. Mais un mot sur Macdonald, le jeune Macdonald, il naît à Glasgow. En 1815. Et ce côté-là, c'est fascinant. On écoute un extrait, André Champagne. Il arrive au Canada, à Kingston, il a 5 ans. Et pourtant, en 1891, il meurt cette même année de 1891, juste avant de mourir. Il aura encore cette phrase. « A British subject I was born, a British subject I will die. Né sujet britannique, je mourrai sujet britannique. » Tel fut l'un de ses derniers messages politiques au peuple canadien. Et ce message résume l'idéal de sa vie publique, le dénominateur commun de son action. l'animateur Louis Aubert à l'émission L'Histoire comme ils l'ont fait en 1967. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça, André Champagne? Encore une fois, il arrive McDonald's au Canada à 5 ans. Il prononce cette phrase quelques mois avant de mourir. Ça correspond à quoi? C'est typique d'un Canadien anglais de la fin de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est l'Angleterre victorienne, c'est l'Angleterre qui est la première puissance mondiale, c'est l'Angleterre qui est le modèle de régime parlementaire, de régime démocratique au monde. L'Angleterre rayonne sur tous les continents. L'Empire britannique, le soleil ne se couche pas sur l'Empire britannique. Et McDonald est parfaitement conscient que le Canada, dans sa vision à lui, c'est le prolongement de la Grande-Bretagne. Et McDonald, c'est un homme qui, au cours de sa vie, se rendra fréquemment en Grande-Bretagne. Il admirait la société britannique. Il rêvait de finir sa vie en Grande-Bretagne comme un grand gentleman, un grand aristocrate aérien, ce que malheureusement rêve qu'il ne pourra pas caresser. Mais c'est un homme qui considérait que l'Angleterre, c'est un modèle que les autres pays devaient imiter. Et c'était d'autant plus vrai que les Américains qui avaient adopté un régime républicain, ou avec un gouvernement fédéral qui avait laissé, selon lui, trop de pouvoir aux États, ça avait mené à la guerre de sécession. Donc le Canada devait éviter ça. Mais pour lui, cette espèce de sentiment d'appartenance, c'est vraiment c'est ce qui prime et c'est ça explique sa philosophie. Bon, revenons au début de son parcours politique. À partir de quand et dans quelles circonstances s'engage-t-il dans la vie politique? Il fait de la politique municipale à Kingston. Il développe un goût pour la politique assez rapidement. Il est élu au Parlement du Canada uni en 1844 sous la bannière réformiste. Mais après, une fois le gouvernement responsable obtenu en 1848, il va se joindre au Liberal Conservative qui, à l'époque, était dirigé par Lud McNab. Il devient le chef des Liberal Conservative en 1856. Et c'est un politicien habile, c'est un politicien lucide qui se rend bien compte que le Canada uni est gouvernable si et seulement si il y a une collaboration, il y a une alliance entre les politiciens canadiens français du Canada Est et les politiciens anglais du Canada Ouest. Et c'est pour ça qu'il va trouver chez Georges-Étienne Cartier, le successeur de Louis-Paulé de La Fontaine, une espèce d'allié naturel avec qui, en 1864, il pourra élaborer ce qui va devenir la Confédération. Et ça se fait donc à Charlottetown, puis à Québec. Qu'est-ce qui se passe dans ces conférences de 1864? C'est les provinces maritimes qui voulaient se fédérer. Le Canada uni s'invite aux délibérations. McDonald, lui, va proposer une union législative, c'est-à-dire que les provinces maritimes et le Canada uni se regrouperaient sous un seul gouvernement. Dans son optique, à lui, il ne devait pas y avoir de province. Cette idée, évidemment, est rejetée catégoriquement par Cartier du Québec, par Charles Tupper de Nouvelle-Écosse et Joseph Howe, puis aussi Tilley du Nouveau-Brunswick. Il n'est pas question d'union législative. On veut un gouvernement fédéral, un gouvernement central, mais des provinces qui seraient responsables des affaires locales. On se méfie de la volonté de pouvoir de McDonald. On est parfaitement conscient que McDonald veut une union législative pour donner le maximum de pouvoir à la future Ontario. Mais il est un fin stratège. Il accepte le compromis parce qu'il voit, il le voit, ce pays qui va se former. Ce qui se négocie en 64, c'est pas le pays qu'il voulait, mais il dit oui. On écoute justement sur cet aspect tacticien l'historien André Bernard. McDonald, par son sens du compromis, a réussi à faire l'union ou l'entente entre des éléments extrémistes qui, eux, avaient des principes qui étaient très divergents, n'est-ce pas? McDonald et une série de supporters de son parti auraient favorisé un Canada plus centralisé, alors que les Canadiens français auraient préféré, n'est-ce pas, le respect de leurs droits, ainsi de suite, et que les provinces maritimes auraient, elles, préféré une confédération très large, n'est-ce pas? Alors McDonald a sûrement joué, à ce moment-là, dans son sens des compromis, et peut-être aussi son absence de principe personnel à faire cette union entre les différents éléments extrêmes. On le voit bien, André Champagne, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, homme de compromis, il va, contre ses propres principes personnels, accepter un Canada qu'il ne voulait pas. C'est un centralisateur fini, au fond, McDonald. Oui, sauf que il dit oui en 1864 à Charlottetown et à Québec. Il accepte, il accepte le compromis, mais, écoutez, c'est très révélateur, une lettre qu'il écrit à Malcolm Cameron en décembre 1864, et je cite, « Si la Confédération est créée, dans le temps d'une vie humaine normale, vous verrez les deux parlements et les deux gouvernements locaux absorbés par le pouvoir fédéral. Pour moi, la chose est aussi claire que si elle s'était produite. » Il ne croyait pas aux provinces. Et pour lui, le rapport entre le gouvernement fédéral et les provinces devait être un rapport d'empire à colonie. Mm-hmm. Et ça, il a écrit. Et son c'est idée, un grand centralisateur. C'est de dire, OK, en 60, j'accepte ce modèle-là, mais à l'usure, exactement, j'ai transformé ce pays-là. Parce qu'il était convaincu que les événements ultérieurs allaient lui donner raison et allaient ouvrir les yeux aux autres pères de la Confédération. Le Canada naît en 1867. John A. Macdonald devient le premier ministre du Canada. Gros premier mandat. Gros premier mandat. Pourquoi? Parce que ce premier mandat, il est marqué par la première rébellion de l'Ouest, c'est-à-dire en 1869, les Métis du Manitoba se rebellent sous la direction de Louis Riel. Et cette rébellion-là force le gouvernement fédéral à négocier avec les Métis et à reconnaître la création d'une nouvelle province, le Manitoba, qui sera une province bilingue, sera une province où il y aura des écoles séparées, anglo-protestantes et françaises catholiques. Mais on reconnaît les droits de propriété des Métis sur les terres qu'ils occupaient. Ouais. On leur reconnaît ce droit-là. Et on croit en principe que la question des droits des Métis et de l'Ouest est réglée, mais Louis Riel va faire une erreur, c'est-à-dire que sous sa gouverne, les Métis organiseront le procès d'un arpenteur ontarien, Thomas Scott, qui aurait probablement attenté à la vie de Riel, qui était ouvertement raciste, qui ne cachait pas son intention de chasser les Métis, de les faire disparaître des plaines. Et ce procès et cette condamnation à mort et cette exécution de Riel vont attirer la colère des orangistes ontariens et ça va revenir hanter Riel et Macdonald en 1884-1885. Ça, on y reviendra, bien sûr. Donc, cette question déjà de gérer cette rébellion au Manitoba, avec le résultat que le Manitoba va quand même devenir une province. Il y a deux autres provinces dans ce premier mandat. Il y a 1871, il y a la Colombie-Britannique qui devient une province. Ouais. Sauf que dans l'entente qui est négociée entre le Colombie-Britannique et Ottawa s'est engagé à compléter le chemin de fer dans un délai de 10 ans. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en 1881, le chemin de fer reliant Toronto à Vancouver doit être achevé, doit être complété, ce qui met en lumière l'importance du chemin de fer dans la stratégie politique et la vision politique de Macdonald. Et ce qui va conduire, on y vient tout de suite, au scandale du Pacifique, en précisant que donc, dans ce premier mandat, Colombie-Britannique, adhésion de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de l'île du Prince-Édouard, trois nouvelles provinces. Le Canada compte maintenant 7 provinces dans ce nouveau Canada dirigé par John A. Macdonald. Il est réélu donc en 1872, ça va plutôt bien, on apprend, une année, en 1873, le scandale du Pacifique. Oui, qu'est-ce que c'est Pacifique, que cette affaire-là? C'est que le financier montréalais Hugh Hallin, qui était une connaissance de Georges-Étienne Cartier, dirigeait un consortium ferroviaire associé avec des financiers de Chicago, qu'on appelait le Canadian Pacific Railway. Les conservateurs avaient besoin d'argent pour financer la campagne électorale et Hallin en était parfaitement conscient. Alors Hallin rencontre Cartier et lui propose de financer sa campagne électorale en échange d'une promesse d'obtenir le contrat de construction du chemin de fer. Cartier accepte. Hallin et ses associés américains vont donner 350 000 $ à la caisse électorale du Parti conservateur, dont 45 000 qui iront à John Macdonald en 1872. Donc, les conservateurs sont réélus, mais il y a des pressions des milieux d'affaires de Toronto qui veulent que le chemin de fer soit construit par un consortium regroupant des financiers de Montréal et des financiers de Toronto. Donc, finalement, Macdonald ne peut pas donner le contrat en exclusivité à Hugh Hallin. Donc, une nouvelle compagnie doit être formée. Mais le problème, c'est que Hallin, lui, décide de ne pas rembourser l'argent à ses associés de Chicago. Et les associés de Chicago sont tellement mécontents qu'un de ces financiers-là, si je me souviens bien, c'est M. McMullen, va rencontrer à Ottawa le député libéral Lucius Seth Huntingdon et lui donne une copie de toutes les lettres et tous les télégrammes échangés avec Georges-Étienne Cartier et Hugh Hallin. Et à partir de ces télégrammes-là, les libéraux ont la preuve qu'il y a vraiment eu malversation. Et à l'été de 1873, le Mansfield Herald et le Toronto Globe vont publier pendant deux semaines, en première page, tous ces échanges-là. Et ça va conduire, évidemment, à la démission de McDonald's en décembre 1872. Les conservateurs vont perdre le pouvoir. Donc, les libéraux sont élus majoritairement en janvier 1973. McDonald's croit que sa carrière est finie. Mais ce ne sera pas le cas. Un mot quand même avant de revenir à ce retour de McDonald's, parce qu'il réussira ce coup-là de reprendre le pouvoir. Vous l'avez évoqué, Georges-Étienne Cartier, qui sera important dans le début du pays, qui sera aussi un père de la Fédération, qui sera important dans cette négociation dans le scandale du Pacifique. Quelle va être la nature de cette relation, André Champagne, entre McDonald's et Cartier? C'est un partenariat politique d'abord et avant tout. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tantôt, le Canada uni était gouvernable si et seulement si les partis majoritaires formaient une alliance. Les Bleus étaient majoritaires au Québec, au Canada-Est. Donc, McDonald's, chef des Liberal Conservatives, avait évidemment des affinités politiques avec Cartier, mais avait besoin de l'appui de Cartier. Et une fois la Confédération constituée, une fois les conservateurs au pouvoir, Cartier, c'est son homme de confiance, et c'est son lieutenant politique pour la province de Québec. Ouais. Donc, c'est un allié incontournable. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit également, c'est que Cartier, c'est l'avocat principal de la compagnie du Grand Tronc, de Grand Trunk Railroad Company, qui a construit le chemin de fer reliant Sarnia en Ontario à Rivière-du-Loup au Québec. Ouais. Donc, c'est un joueur clé, non seulement sur la scène politique, mais sur le dossier de la construction de chemin de fer. Les deux sont conservateurs. Les deux ont une vision extrêmement, si on veut, aristocratique du pouvoir, parce que les deux sont opposés au suffrage universel et les deux sont convaincus que c'est l'élite d'affaires, c'est l'élite financière, ce sont les gens de bien qui doivent gérer le pays. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'affinités politiques entre eux. Mais McDonald's, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui a compris que le Canada, qu'on le veuille ou non, c'est un pays qui a besoin, pour être gouvernable, d'avoir des liens étroits avec la classe politique canadienne-française du Québec. Bon, il va réussir à revenir, à reprendre le pouvoir. Il croyait, vous le disiez, sa carrière terminée avec le scandale du Pacifique. Il revient, donc, il se fait élire en 78. Oui. En un mot, comment réussit-il ce coup? Parce que les libéraux sont arrivés au pouvoir au moment où une crise économique mondiale commençait. Et ils ont extrêmement mal géré le pouvoir. C'est un gouvernement qui va être dépassé par la crise et qui va tout simplement mettre en œuvre une politique où on va laisser entrer massivement les produits américains sur le marché canadien. On va réduire les taxes. Et les taxes, c'était la principale source de revenus du gouvernement fédéral à l'époque. Donc, le gouvernement est privé de ses taxes. Les Américains inondent le marché canadien de nos produits. Donc, le mécontentement est généralisé tant et si bien qu'en 1878, les conservateurs sont repartis au pouvoir, mais McDonald's a lancé cette idée de national policy, politique nationale, qui repose sur quoi? C'est une politique protectionniste. Protectionniste, c'est-à-dire que les tarifs douaniers seront élevés de 30 à 50 % sur des produits américains et ils s'engagent à compléter le chemin de fer le plus rapidement possible. Ça sera important et ça va conduire cette construction du chemin de fer à la question amérindienne qui est vraiment une zone d'ombre importante dans l'héritage de McDonald's. On écoute à ce sujet un extrait d'entrevue accordé par l'anthropologue Serge Bouchard au micro de Michel Lacombe en 2015. C'est lui qui a fait mal aux Indiens, Johnny McDonald, personnellement, pour aller le voir dans sa tombe, puis lui dire, qu'est-ce que t'as fait là? C'est quoi ton idée de dire que ces gens-là sont pas des citoyens normaux, qui vont arrêter d'être des Indiens, qui sont pas beaux? Alors que dans l'histoire, ils avaient été des citoyens avec qui on faisait des accords d'égal à égal. Jusqu'au Canada, ils ont été des réalités historiques. Ils ont fait partie du développement historique de l'Amérique, autant pour la création de la richesse que pour les guerres, que pour la géopolitique et pour les échanges interculturels et un certain métissage culturel et biologique. Ça, c'est certain, surtout quand on parle français. Alors comment, André Champagne, évaluer, juger l'héritage de McDonald's sur la question amérindienne? C'est extrêmement controversé, surtout depuis la publication du livre de l'historien James Dashuk, Clearing the Plains, Disease, Politics of Starvation and the Loss of Aboriginal Life. C'est un livre qui a été publié en 2013, qui vient d'être traduit en français. Dans ce livre-là, Dashuk démontre que McDonald's, à titre parce qu'il était premier ministre, mais il était aussi ministre des Affaires indiennes, qu'il aurait donné des directives en 1884-85 de ralentir l'approvisionnement en nourriture aux réserves amérindiennes qui vivaient là où devait passer le chemin de fer transcontinental. Il, y a, il veut alors, que les Amérindiens... À toute fin pratique, disparaissent. Voilà, parce, pour passer son parce chemin de fer. Il y a eu une épidémie de tuberculose qui était dévastatrice. Donc, au moment où les Indiens vivant dans ces réserves-là avaient besoin de suppléments alimentaires, ouais, avaient besoin de plus de nourriture, il aurait donné des directives pour ralentir la distribution de nourriture au moment où sévissait cette épidémie, mm-hmm, de tuberculose. Donc ça, c'est vraiment grave. D'autre part, 1884-1885, c'est le deuxième soulèvement métis. Les métis qui s'étaient fait reconnaître leur territoire en 1870, évidemment avec l'arrivée du chemin de fer, leur mode de vie est modifié et bouleversé. Ils vont s'établir plus à l'ouest dans ce qui va être la Saskatchewan. Le problème, c'est que là, ils occupent des terres pour lesquelles ils ne pouvaient pas revendiquer de droits ancestraux. Oui. Conséquemment, c'est clair que le chemin de fer va les rattraper et qu'il y aura possiblement des affrontements. C'est ce qui se produit en 1884. Il y a une escarmouche entre les Métis puis un détachement de la Gendarmerie royale du Canada. On va chercher Riel qui, à ce moment-là, vit au Montana. Riel revient, prend la direction du deuxième soulèvement métis et là, MacDonald décide d'envoyer un détachement de l'armée canadienne et puis les directives, c'est, oui, très simple, écrasez-les. C'est ce qui va arriver. Mais ce qui est aberrant, c'est que Riel, qui a dirigé cette rébellion-là, n'avait pas tout son esprit. Il était vraiment victime d'hallucinations. C'était clair que c'était un homme qui avait des troubles mentaux. Et lors du procès, le juge a recommandé la clémence, mm-hmm, du premier ministre, ce que MacDonald a refusé de faire. Et MacDonald, dans un échange avec le gouverneur général Lord Lansdowne, dit que cette deuxième rébellion-là a été nettement exagérée, oui, par le gouvernement fédéral pour justement obtenir la tête de Riel. Et Riel... Par opportunisme politique. Oui. MacDonald le reconnaît. Je sacrifie Riel. Je sacrifie Riel. Politique. Pourquoi? Parce qu'il savait que 2 ans plus tard, il y avait une élection fédérale. Si Riel n'était pas pendu, les orangistes se seraient vengés lors de l'élection. Donc, Parce qu'ils avaient encore le souvenir de Thomas Scott de 1869-70. Donc, cette mort-là n'avait pas encore été digérée. Pour assurer sa victoire, il a sacrifié Riel. On croit même qu'il aurait dit « Riel must swing ». Il meurt au pouvoir en 1891, MacDonald. En un mot, avec le recul, on voit que c'est un personnage controversé. Les Chinois aussi, il est accusé de racisme à l'endroit des Chinois pendant la... Oui, parce qu'en 1885, il fait passer une loi pour leur retirer le droit de vote. Et en 1890, il va imposer une taxe de 50 $ à l'arrivée de chaque Chinois en territoire canadien. On retient que c'est un grand bâtisseur canadien. C'est un des maîtres d'œuvre de la Confédération de 1867. C'est un homme de pouvoir, c'est un homme de vision. Mais dans sa vision, puis dans sa vision de ce que devait être le Canada, c'est clair que le Canada devait être un pays blanc, un pays de tradition britannique et un pays qui ne semble pas avoir beaucoup, beaucoup de respect pour les immigrants chinois et pour les Amérindiens. Donc, c'est un héritage qui est de plus en plus controversé parce que, à la lumière des travaux publiés ces dernières années, on peut dire que la réputation de Sir John est lourdement entachée. Merci beaucoup, André Champagne. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.